Savons-nous, savez-vous seulement sur quoi vous marchez sous vos pieds? Outre le bitume des villes, avons-nous tous et toutes bien conscience de ce qu'est le sol, de ce dont est fait le sol? Une espèce connue sur quatre se trouve sous terre. Bactéries, champignons, micro-organismes, insectes. Rappelons-nous que notre planète est faite de roches, que la roche est peu ou prou stérile, qu'il a fallu des millions d'années pour constituer ce sol fertile, substrat indispensable à la vie végétale et animale. Ce sol que nous maltraitons tant avec le labour, les intrants, les pesticides. Plongeons ensemble à la découverte de l'origine de la vie avec Marc-André Sellos. Marc-André Sellos est notre grand invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir à ce micro. Vous êtes mycologue, botaniste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle où vous dirigez l'équipe Interaction et Évolution Végétale et Fongique au sein de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. On vous retrouve dans quelques minutes parce que, eh bien, comme je le disais à l'instant, aujourd'hui est un jour important, peut-être même historique pour l'astrophysique mondiale avec cette annonce majeure de l'ESO et de l'EHT, l'Event Horizon Télescope. On vous raconte tout dans un journal des sciences spécial avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et Natacha, donc on l'attendait impatiemment depuis quelques jours, mais l'annonce couvait depuis plusieurs mois, la toute première image du trou noir central de notre Voie lactée, extrait de la conférence de presse que vient de donner l'ESO il y a tout juste une heure. To share the result, we will be flying into the heart of the galaxy, some 27,000 light years away from us. We will do that in 45 seconds. That's a violation of Einstein right away, but maybe that's probably the only violation of Einstein. So we start out from the plains of Chile, where the ALMA telescope is located. And we're going to zoom in to Sagittarius, the Archer, which is high in the sky above the northern Chile. And we will go and zoom in first in the optical, but we have to switch to the infrared because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind and we get to the place where stars are in orbit around a dark spot. And when we switch then to our radio eyes and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sagittarius star, the black hole at the galactic center. Voilà l'annonce, je vous traduis rapidement l'annonce de l'ESO. On raconte que, eh bien, on va faire une violation aux lois d'Einstein puisqu'on va en 45 minutes zoomer jusqu'à l'intérieur de la galaxie et c'est la seule violation qu'il y aura aux lois d'Einstein. Et donc on zoome, on part des plaines des radiotélescopes ALMA au Chili pour traverser l'espace jusqu'à arriver, eh bien, au centre de ce de la Voie lactée, au point central de la Voie lactée où on voit, eh bien, une sorte d'amas jaunes qui sont en fait les étoiles qui tournent autour à vitesse relativiste et au centre donc de ce trou noir de la Voie lactée. Natacha, je vous laisse la parole. Voilà, c'était une image très très attendue, que l'on attendait depuis des années. Elle nous vient donc du réseau EHT, le projet Event Horizon Telescope, et c'est la même équipe qui a produit la première image directe d'un trou noir en 2019. Alors, il y a 3 ans, cette image devenue iconique depuis représentait M87 étoiles, le trou noir supermassif de la galaxie Messier 87, qui est 1000 fois plus loin que notre trou noir, mais surtout 1000 fois plus brillant. Alors aujourd'hui, nous pouvons enfin voir Sagittarius à étoiles, le trou noir supermassif au cœur de notre Voie lactée. Alors ce n'est pas le plus massif de tous, c'est un trou noir de plus de 4 millions de masses solaires tout de même. Il mesure 44 millions de kilomètres de diamètre, c'est à peu près la distance entre la Terre et Vénus. Et c'est le trou noir supermassif le plus proche de nous, à seulement 27 000 années-lumière de la Terre. Alors voilà, on vient de vous dresser la carte d'identité d'un des objets les plus mystérieux de notre univers. Nous en avons enfin la photographie. Nous sommes en ligne avec Éric Lagadec, astronome adjoint au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Bonjour Éric. Bonjour Natacha. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire cette image? À quoi ressemble cette image historique? Mais en fait, cette image historique, elle ressemble étonnamment beaucoup à celle qui a été publiée il y a quelques années autour de M87. Donc on voit une sorte de donut orange avec donc le gaz autour d'un cercle sombre qui est l'ombre du trou noir, justement, ce qui est vraiment impressionnant. Oui, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, enfin, c'est plus exactement l'horizon des événements. On peut peut-être rappeler ensemble qu'est-ce que c'est l'horizon des événements pour un trou noir. Exactement. Pour faire simple, en gros, si un trou noir, on va l'expliquer de manière classique. Imaginez si vous prenez quelque chose, vous le jetez, il va retomber sur Terre. Si vous prenez une fusée, vous allez pouvoir vous échapper de la gravité terrestre. Et pour ça, la vitesse qu'il faut pour réussir à s'échapper dépend en gros de la densité de l'objet. Et pour les trous noirs, donc de manière simpliste, pour s'en échapper, il faudrait aller plus vite que la lumière, donc c'est pas possible de s'en échapper. Quand on dépasse un certain horizon, on peut plus sortir du trou noir, et c'est ce qu'on voit là, on voit vraiment cet horizon, d'où le nom du télescope d'ailleurs, le Event Horizon Telescope. Le but c'était d'imager, de faire des images de l'horizon de ces trous noirs. Alors on va revenir peut-être dans un instant sur cet Event Horizon Telescope, qui est en fait un télescope par interférométrie qui met en jeu des télescopes aux quatre coins de la planète, littéralement, pour créer un télescope virtuel avec une résolution absolument immense. Mais peut-être une question très simple, Eric. Un trou noir, donc, on nous explique depuis longtemps, et on en parle beaucoup à ce micro, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, précisément parce que, eh bien, toute information, toute lumière, tous les photons qui traversent cet horizon des événements tombe à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut obtenir finalement une image d'un trou noir? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est quoi cette lumière qu'on voit autour du trou noir? Ah oui, c'est une très bonne question. En fait, la lumière qu'on voit, c'est la lumière émise par le gaz qui se trouve autour du trou noir. Donc on voit vraiment le gaz autour de cette structure de 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors pourquoi Sagittarius A étoile, alors qu'il est plus proche que M87 étoile, pourquoi a-t-il été plus difficile à étudier? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, si vous regardez dans la Voie lactée, si on regarde dans la direction de M87, il y a beaucoup de gaz et de poussière entre nous et l'objet, ce qui fait qu'il est plus difficile à observer. C'est un petit peu comme s'il y avait une sorte de brouillard entre nous, observateurs, et les trous noirs. Et en plus, M87 étant plus petit, il est plus variable et du coup, c'était difficile. C'était un petit peu comme essayer de faire l'image de quelque chose qui bouge de nuit. Si vous faites une photo, vous aurez une image floue et ça a été très difficile pour les astronomes qui ont réussi à faire ça. C'est quand même un exploit technique extraordinaire avec plus de 300 chercheurs et chercheuses impliqués pour réussir à faire cette image. Alors, c'est Sagittarius A étoile qui est plus petit que M87. Vous avez dit l'inverse, Eric Lagadec, si je puis me permettre. J'ai dit l'inverse, pardon. Donc oui, c'est Sagittarius qui est plus petit. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu comment on obtient cette image, parce que on a l'idée que finalement, ben, on regarde un endroit de l'espace avec un télescope et pof, on a une image. Là, c'est bien différent. Comme je l'expliquais, c'est de l'interférométrie qui met en jeu plusieurs radiotélescopes à travers le monde. Vous pouvez nous raconter un peu comment on a pu obtenir cette image, quel a été le travail qu'il a fallu assembler, c'est un travail titanesque pour pouvoir l'obtenir? J'aime bien déjà expliquer, un télescope c'est un petit peu comme un seau à lumière. Donc plus vous avez un grand télescope, plus vous recevez de lumière, et aussi plus le télescope a un grand diamètre, plus on peut voir des détails. Les détails, c'est ce qu'on appelle la résolution angulaire. Et on peut augmenter cette résolution angulaire en combinant des télescopes. Et du coup, au lieu d'avoir, si on prend deux télescopes distants de 1000 km, on a la résolution angulaire d'un équivalente à un télescope de 1000 km de diamètre. C'est assez extraordinaire. Donc on peut voir des détails plus fins. Et donc l'idée qui a été derrière l'Event Horizon Telescope, c'est de faire un réseau géant de télescopes. Ça va depuis le plateau de Bure dans les Hautes-Alpes en France jusqu'en Antarctique, au Chili et à Hawaï. Donc d'avoir des lignes de base, donc des lignes entre le télescope de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui permet d'avoir une résolution hallucinante. Ouais, j'aime bien dire, première fois que j'ai vu cette image de M87, donc avec l'Event Horizon Telescope, personnellement, je dis que je travaille à haute résolution angulaire dans mes travaux de recherche, et j'avais une résolution de 20 milliarcs-secondes, donc une arc-seconde, pour ceux à qui ça parle pas, si on prend un angle d'un degré, on le coupe en 60, ça fait une minute d'arc. On le coupe encore en 60, ça fait une seconde d'arc, et nous, ce qu'on voyait, c'était 20 millièmes de ça. Ben, l'Event Horizon Telescope, il voit 20 micromètres, c'est un facteur 1000 par rapport à ce que je fais moi. Donc la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment... Enfin, c'était hallucinant de voir ce résultat et de voir ce travail et les résultats qu'ils ont pu obtenir en combinant les lumières de ces télescopes, en reconstruisant des images. Ils ont dit tout à l'heure que pour obtenir cette image, ils ont fait plus d'un million de modèles, et donc avec des pétabytes de calculs, et c'était vraiment impressionnant. Et on a enfin eu cette image qui a été un gros défi qui a été relevé par la communauté astronomique mondiale. Péta, c'est milliards de milliards, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et juste pour donner je trouve que l'exemple qui parle très bien pour comprendre les arcs secondes et ce qu'on regarde dans le ciel, la Lune, c'est combien d'arcs secondes? La Lune, c'est à peu près un demi-degré. C'est dans la Lune, ce que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, à peu près 30 secondes. Voilà, c'est non, ça. C'est 30 minutes, pardon, 32 minutes. Voilà, donc c'est pour dire la taille de la Lune par rapport à ce qu'on observe. Natacha. Oui, Eric Lagadec, je voulais aussi savoir. Oui, attends, oui. Eric, oui. Pendant la conférence, ils ont fait une analogie qui était excellente, que j'avais jamais entendue. La conférence avait lieu à Munich. Donc ils ont dit que c'était l'équivalent d'avoir quelqu'un qui buvait une bière dans un beer garden à Munich et d'avoir un observateur à New York qui arrivait à voir non pas la bière, mais les bulles. C'est une belle analogie aussi. pour continuer sur cette analogie, justement, jusqu'à présent, de Sagittarius à étoile, nous n'avions que des observations indirectes, c'est-à-dire qu'on pouvait voir que l'influence du trou noir sur la trajectoire des rayons lumineux qui l'entourent. Pourquoi est-ce que c'est si important d'obtenir une image directe de notre trou noir supermassif? Ben oui, comme vous le disiez, avant, on n'avait que des preuves indirectes. Donc, depuis 1933 et la détection par Karl Jansky de sources radio venant de cette direction-là, il y a eu plein d'observations qui ont petit à petit affiné nos connaissances. Donc, d'abord, on a su par des observations d'un ami qui s'appelle Bruce Balick en 1974. On s'est rendu compte que c'était une source compacte. Puis après, il y a eu des observations de plus en plus précises jusqu'à des observations par des télescopes au Chili et à Hawaï qui ont permis de mesurer les étoiles, donc de voir les étoiles tourner autour de ce trou noir. Donc ça a permis de déterminer la masse. Et ce qu'il y a de nouveau ici, donc ce qui a été annoncé dans la conférence de presse, il y a deux choses. Donc là, maintenant, on sait que ce trou noir tourne, donc c'est un trou noir en rotation. Et la deuxième information, qui est assez surprenante, c'est imaginer ce trou noir, il a une forme d'un donut. On aurait tendance à penser que ce donut, on le verrait par la tranche, vous imaginez que comme on pense qu'il serait dans le plan de la galaxie, mais vu l'orientation qu'il a, il semblerait qu'il soit vu par la face. Donc on voit ce donut par le haut. C'est ce qu'on voit vraiment sur l'image et c'était un résultat assez étonnant. Comment on peut d'ailleurs, c'est quoi cette astuce des lois de la relativité qui nous permettent de voir le trou noir central par le haut alors que précisément ben, on est dans le plan d'écliptique de la galaxie? Ben c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de lire les papiers, donc j'aimerais regarder, au lieu de dire des bêtises, et je pense que quand on est scientifique, c'est important de savoir dire je ne sais pas. Donc je ne sais pas, mais comme je ne sais pas, je vais me renseigner pour avoir l'information, parce que j'ai vu ça il y a à peu près 20 minutes, et ça m'a assez surpris, donc j'en discuterai avec mes collègues spécialistes des trous noirs. Alors deux choses déjà, d'une, on en reparlera demain dans la table ronde d'actualité avec mes camarades de journalistes et vulgarisateurs scientifiques, et puis je vous signale que dès mardi, on consacrera une émission entière, précisément avec un peu de recul, une fois qu'on aura eu le temps de lire des études sur cette image historique, avec notamment Françoise Combe qui sera l'une de nos invitées. Peut-être une dernière question, Éric Lagadec, vous le dites vous-même, ce trou noir Sagittarius à étoile, il ressemble peu ou prou à l'image de M87 étoile, c'est-à-dire on voit une sorte de donut orange un peu flou. C'est quoi la prochaine étape? Quand est-ce qu'on va pouvoir obtenir une meilleure résolution, réussir à voir de manière un peu plus précise ce type d'objet supermassif interstellaire ou stellaire d'ailleurs, ou galactique? Ouais, c'est intéressant, c'était une des questions que j'écoutais justement juste avant de passer à l'antenne. Et c'était l'une des choses qu'on sait, c'est que ces trous noirs ont sûrement des jets aussi. Donc ces jets, il faudra avoir encore une meilleure résolution pour réussir à le voir. Et c'est a priori l'étape suivante. Donc, ce qu'ont dit les gens de l'Event Horizon Telescope, c'était qu'ils espéraient réussir à voir ce jet sur M87 et au centre de la galaxie. Et ils ont aussi observé d'autres trous noirs au sein d'autres galaxies. Donc on devrait pouvoir avoir d'autres images, peut-être moins spectaculaires, mais c'est vraiment les prochaines étapes de l'Event Horizon Telescope. Merci beaucoup Éric Lagadec d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui pour commenter cette image historique. Cette image, vous pouvez la voir, on l'a postée sur notre fil Twitter. Les études annoncées aujourd'hui par les équipes de l'EHT et de l'ESO notamment ont été publiées dans un numéro spécial de la revue The Astrophysical Journal Letters. Comme je vous l'ai dit, on en reparle dès demain avec mes camarades de la presse scientifique et une émission spéciale consacrée mardi à cette image historique du centre de notre galaxie. Merci beaucoup Eric. Merci Nicolas, merci Natacha. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Du centre de notre Voie lactée à notre belle planète, il n'y a qu'un pas de fourmi, presque pourrait-on dire, puisque sans étoiles, il n'y a pas d'atomes lourds, sans atomes lourds, il n'y a pas de molécules, sans molécules, il n'y a pas de composés organiques, sans composés organiques, il n'y a pas de sol, donc il n'y a pas de vie, ni végétal, ni animal. Bonjour Marc-André Sellos, rebonjour. Rebonjour. Un mot peut-être juste sur cette nouvelle, sur cette science-là qui est distincte, évidemment, bien différente de la botanique et de votre champ d'expertise, mais quel regard vous portez en tant que citoyen, en tant que scientifique sur ce type d'annonce et de progrès scientifique ? Mais je dirais que, bon, au-delà de l'émotion, effectivement, d'une pareille image, hein, on sent aussi derrière l'importance de la collaboration scientifique. Et ça, c'est une gifle à l'actualité, où d'effroyables moyens sont engloutis pour se taper dessus, pour détruire. Et je trouve que cette image, elle est doublement émouvante. Elle l'est en ce qu'elle est, mais est-ce qu'elle l'est aussi en ce qu'elle révèle d'humain ? C'est-à-dire la capacité de faire de grandes choses en collaborant ensemble et en mettant en relation des télescopes qui sont fort loin les uns des autres. Voilà. Mmh. Et effectivement, ça nous rappelle Micromégas, ça. Il y a un violent changement d'échelle entre cet objet géant, mais difficilement visible, et les objets tout petits dont on va parler, aussi difficilement visibles, il est vrai. C'est vrai, mais et pourtant un lien, puisque encore une fois, comme je le disais, hein, tous ces atomes-là sont créés dans la nucléosynthèse, dans les supernovas. Sans supernova, il n'y a pas tous ces composés organiques si complexes qui finissent par s'assembler par les lois de la statistique, du hasard, et par finir par produire de la vie. Mais pas en un clin d'œil. Pas en un clin d'œil, effectivement. Sur la vie, on est au bout d'un long chemin qui commence sans doute, effectivement, là. Mais alors, on arrive à des niveaux, effectivement, d'intégration qui commencent à avoir des propriétés propres, comme la propriété d'évoluer, par exemple. Et je trouve que le décalage entre les deux, il est que, justement, on sent bien qu'il y a des propriétés holistiques. L'évolution, par exemple, la capacité d'évoluer, c'est quand même, franchement, quelque chose qui émerge à un moment, à un certain niveau d'organisation. Mais ce niveau d'organisation ne fait pas du tout abstraction, ni de la physique, ni du quantitatif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des enjeux difficiles d'être biologiste. C'est la nécessaire maîtrise, à minima, de physique, de chimie, de mathématiques. Alors ça permet pas de comprendre pourquoi le donut est pas dans le bon sens. Là, j'ai pas compris non plus. on est beaucoup plus mauvais évidemment que les spécialistes, mais nos disciplines finalement on les fait pas bien sans un minimum de statistiques, de thermodynamique ou de physique et de chimie. Ça c'est clair. Alors vous êtes Marc-André Sellos, mycologue, botaniste, biologiste, enseignant, vulgarisateur, chroniqueur radio, puisque vous avez tenu une chronique chez nos camarades de la Terre au Carré que l'on salue, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au sol, au tanin. On va y revenir, mais je pose toujours dans ces entretiens quelque chose qui, moi, me passionne à titre personnel, c'est la question de la vocation. À quel moment, finalement, vous vous dites... Alors, vous avez raconté que votre grand-père vous emmenait dans le bois de Vincennes pour chercher les champignons, qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Mais est-ce que vous vous souvenez concrètement de ce qui, chez vous, enfant, adolescent, jeune adulte, à un moment donné, a créé un déclic pour vous dire « c'est ça, c'est à ça que je veux consacrer ma vie, je veux passer ma vie à explorer cet univers-là » Bah, c'est difficile de tout résumer à un déclic, parce qu'après, quand même, on progresse dans l'existence. Les centres d'intérêt défilent, et en tout cas, le centre d'intérêt n'est pas toujours le même. Mais c'est vrai que, en fait, c'est mon prof de 5e qui nous avait, mon prof de sciences naturelles, puisqu'on disait sciences naturelles à l'époque. Je sais pas pourquoi ma discipline court derrière son nom comme ça. On aurait dû dire histoire naturelle, hein, comme au muséum. Et il nous avait envoyé chercher les champignons pour le cours suivant. Et moi, du coup, je les ai regardés de près. En fait, ils sont sortis du décor à cause de cette consigne d'en ramasser. Et moi, j'ai été fasciné des formes que j'ai vues, parce que dans le détail, je me suis aperçu que de près, non seulement, bon, ils étaient vaguement différents de loin entre eux, mais de près, ils affectaient une grande diversité morphologique. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus frappé. C'est de découvrir en les regardant par-dessous, avec une loupe, alors qui était une loupe à main, pas très pratique, mais de m'apercevoir qu'ils étaient finalement complexes, alors que pour moi, ils étaient rangés dans le décor. En fait, ils sont sortis du décor à ce moment-là. Ça a été un premier déclic. Je veux dire que le second déclic, c'est le moment où je me suis aperçu que ça servait à rien. Et ça, c'est après avoir passé l'agrégation, que j'avais passé un peu mécaniquement dans mon parcours, je me suis aperçu que, en réalité, je bouillais de raconter ce que j'avais collecté dans des livres, dans ma propre expérience, dans mes observations. Et le deuxième déclic, c'est le déclic du jeune thésard qui, en fait, va consacrer une grande partie de son temps à faire des enseignements, au grand agacement éventuellement de ses encadrants. Et c'est le déclic de l'enseignement ou de la narration, finalement. C'est l'envie de raconter, donc, en fait. Hein. Oui, mais raconter, non pas pour photocopier dans la tête des autres une image du monde, mais réellement pour se mettre un peu à la place de celui qu'on a en face et dire, tiens, mais regarde sous cet angle-là, comment ça marche, ce que ça veut dire, ce que ça implique. vraiment l'idée de pousser les gens à changer de point de vue sur les choses et non pas forcément d'aller épouser le mien. Alors ça, c'est vraiment un truc important pour moi dans la vulgarisation. La vulgarisation, c'est pas photocopier son savoir dans la tête des autres, ça, on s'en fout complètement. C'est proposer aux autres des moyens de bouger dans leur vision du monde, dans leur conception du monde, ou même dans leur façon de vivre, de se soigner ou de manger. De développer la curiosité et de dire, tiens, voilà quelque chose que je ne comprends pas, qui ne rentre pas dans mes référents, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui m'enjoint de sortir un peu de mon cadre de pensée, peut-être ? Voilà. Et enseigner ou vulgariser, ce n'est pas amener à soi. C'est pousser les gens hors de leur assiette. Oui, ça je vous rejoins 1 million de fois, voire plus si nécessaire. Vous dites aussi, Marc-André Sellos, qu'il y a quelque chose, et je trouve ça assez passionnant, que finalement, il y a quelque chose qui excite vos curiosités, c'est de dire, de moment où vous comprenez que finalement, les champignons que l'on connaît, ceux que l'on ramasse, ceux que l'on mange, c'est vraiment la partie émergée, et c'est juste une petite chose à l'extérieur, alors que la réalité se passe en dessous, sous nos regards, dans ce monde invisible que sont les sols. Alors, l'histoire est sans doute connue de vos auditeurs. Hein. La partie que l'on voit, que l'on ramasse, ce n'est que la partie émergée du champignon. C'est pour ça qu'elle pousse si vite, d'ailleurs. Elle est appuyée sur un réseau microscopique de filaments qui poussent en se ramifiant, en se réanastomosant, c'est-à-dire en se refusionnant entre eux. Ce réseau microscopique, c'est le mycélium. Et effectivement, pour un tout jeune qui s'intéresse aux champignons comme je l'étais à 12 ans, au début on identifie des champignons, on met des noms sur des formes macroscopiques, puis à un moment on veut en savoir plus sur comment ça marche. Et ainsi les champignons m'ont poussé dans le microscopique, parce qu'à un moment finalement, eh bien en fait au jour le jour ce sont des microbes, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui m'a poussé dans le monde des microbes et qui a contribué à faire de moi un microbiologiste finalement. C'est cette idée que la compréhension se passait à l'échelle de la vie permanente du champignon, et donc à des échelles qui n'étaient pas forcément détectables à l'œil nu, et ce alors même que, en revanche, les conséquences de ce microscopique sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, quand vous voyez un rond de sorcière, par exemple, et qu'au printemps, ce rond de sorcière, c'est juste de l'herbe grasse, ça veut dire que le mycélium, il est là. À l'automne, vous verrez les parties reproductrices qui poussent en surface, qui font des spores, qui referont du mycélium, mais au printemps, vous voyez un rond d'herbe grasse. Et ce rond d'herbe grasse, c'est parce que ce mycélium qui est dans le sol, il est en train de dévorer de la matière organique et il est comme vous et moi, il fait des déchets. Nous, c'est de l'urine. Lui, c'est des formes diffuses d'azote ou de phosphate et il est en train d'engraisser l'herbe. Et en fait, ce que nous raconte le rond de sorcière quand c'est un rond d'herbe grasse au printemps, d'herbe qui pousse mieux que l'herbe alentour, c'est ce grand rôle de recyclage qu'ont les champignons. Et donc, ils sont microscopiques. Mais voilà, ils font des choses qui sont majeures pour la vie sur Terre. Mais il y a cette envie tout de même de comprendre ce qui se passe en dessous, de comprendre le monde invisible, de comprendre les règles qui régissent ce qui échappe à notre regard. Ah oui, absolument, parce qu'en particulier les formes de matière organique qu'ils mangent, c'est des choses pas commodes à manger du tout. D'ailleurs, alors je voudrais pas faire l'éloge des champignons seulement, parce que faisons-les. Il y a bien d'autres groupes qui sont absolument fascinants et qui ont des traits qui leur sont propres et uniques. Mais les champignons, par exemple, arrivent à se débrouiller d'une molécule. Chaque année sur Terre, il y en a 400 milliards de tonnes qui sont produites, c'est la lignine. La lignine, c'est une molécule extrêmement complexe à décomposer parce qu'elle est faite de liens chimiques qui sont tous différents les uns des autres. Aucune enzyme ne peut arriver à bout de cela. Et ils ont inventé, certains champignons qui boulottent ça, eh bien, ils ont inventé des mécanismes à base de radicaux libres qui vont effectivement détruire ce réseau et leur permettre de repêcher des petits maillons qui sont autant d'aliments consommables pour eux. Et ça, c'est un truc que eux seuls font, et c'est une prouesse biochimique à tel point qu'elle n'a émergé, finalement, semblerait-il, qu'une seule fois dans l'évolution. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y en a de la lignine à manger. Oui, parce que c'est ce qu'on retrouve dans l'écorce des arbres. C'est effectivement 40% du bois, voilà. Un bon 20% d'une feuille de plante quelconque où il y a quand même un rigidifiant qui est la lignine. C'est la molécule rigide dont s'entourent les parois végétales et qui assure leur port et leur permet, forme. C'est qui permet de pousser, qui assure leur structure. Et vous dites, Marc-André Sellos, je trouvais ça dans une interview précédente, les champignons m'ont sauvé car ce sont eux qui m'ont permis de comprendre ce qui se passait en dessous. Sauvé, je ne sais pas. Ah bah c'est ce que vous dites. En tout cas, ils m'ont permis de trouver un boulot. Je veux dire, par là, effectivement, ils m'ont indiqué, en quelque sorte, effectivement, un chemin. Mais ce chemin, en fait, était aussi le chemin de la biodiversité. D'abord parce que on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs groupes de champignons différents. Il y a derrière ce qu'on appelait historiquement des champignons et que moi, comme jeune mycologue, j'étudiais, il y a en fait plusieurs groupes différents. L'état filamenteux, l'état mycélien est apparu plusieurs fois dans l'évolution. Et puis, en réalité, rapidement, quand on les croise, les champignons, on ne peut pas éviter de voir aussi toutes leurs interactions qu'en parasites ou au contraire en mutualistes. Ils opèrent avec tout un tas d'autres organismes. On est précipité vers des bactéries, on est précipité vers des plantes, on est précipité vers des animaux. En réalité, bien comprendre l'écologie des champignons, comme de n'importe quoi du reste, c'est bouclé vers la complexité du monde et des interactions. Et c'est aussi en cela que finalement ils ont ouvert une voie pour voir le monde comme un réseau d'interactions. C'est passionnant parce que c'est seul finalement donc ce sur quoi nous marchons, c'est une sorte d'impensé, c'est de la terre, bon, on se pose peu de questions sur ce qu'il y a, alors on en parle, la sécheresse, on parle de l'appauvrissement des sols, mais c'est vrai que tout un chacun n'a pas forcément conscience de ce qu'est et de ce qui est vie, de ce dont regorgent ces sols. Un quart des espèces vivantes de la surface de notre planète est sous nos pieds. Ben oui, alors c'est un des grands compartiments microbiens. Bon, il y a aussi notre tube digestif, hein, il y a aussi tout le plancton des eaux océaniques ou des eaux douces. Mais c'est sûr qu'il y a tout près de chez nous quelque chose qui est incroyablement divers. On dit souvent qu'il y a, dans un gramme de sol, plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons. Enfin, il y a une énorme biodiversité, effectivement, qui se cache là. Et en fait, le sol, il est impensé, c'est vrai. Il est impensable. Parce que culturellement, c'est dégueulasse le sol. Hein. C'est... Bon, dégueulasse, ça c'est un jugement de valeur. Ouais, mais justement, c'est là qu'on met les déchets, c'est là beau, qu'on met terre. Les cadavres. Ben oui. Et donc culturellement, il est impensable. Et puis il est invisible parce que ses habitants sont, pour la plupart, pour l'essentiel, tout petits. Mais pourtant, ils sont nombreux. Ça, c'est le paradoxe du minime. C'est que par accumulation, le minime, il peut être gros. Il y a 5 tonnes de microbes par hectare de sol. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que si vous ajoutez 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux, on pense toujours qu'il y a des animaux dans le sol, mais vous voyez, c'est pas les numériques, enfin, quantitativement, c'est pas les plus abondants. Ça vous fait 150 à 250 moutons à l'hectare, qui sont cachés. Et niés aussi par le fait qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'appétence à voir le sol. Et c'est une belle leçon que finalement, c'est très bien d'aller voir des trous noirs très loin. Il n'y a pas d'antinomie. Mais des fois, nous restons toute notre vie ignorants de ce qui nous touche. C'est un mot que j'emprunte, une phrase que j'emprunte un peu librement d'ailleurs à Bossuet, qui fustigeait déjà cet intérêt de l'homme pour des choses lointaines et étranges, et cette incapacité finalement à regarder ce qui le touche de plus près. Alors c'est cet intérêt, cette passion pour les sols, évidemment, elle ne date pas d'hier. Elle est peut-être effectivement un peu minoritaire ou silencieuse, je ne sais pas. Toujours est-il que cette connaissance, elle a explosé avec la découverte de la microbiologie, avec également la création de nouveaux instruments qui permettent d'aller voir toujours plus près, toujours plus petit. Et on va justement aller faire un petit voyage après avoir fait un voyage jusqu'au centre de notre Voie lactée. On va faire un petit voyage dans le passé jusqu'à notre archive du jour. Nous sommes en février 1969. Je pense que d'abord, il faut vous préciser que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, le sol est extrêmement riche en micro-organismes. Dans les sols moyennement fertiles, on peut admettre que chaque gramme de sol contient de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 micro-organismes, ce qui veut dire que dans chaque gramme de sol fertile, on peut trouver 1 million ou 10 millions ou 100 millions de micro-organismes qui sont essentiellement des bactéries, des actinomycètes, des champignons. Et à côté de ces micro-organismes, il existe aussi ces micro-organismes qu'on peut rattacher aux bactéries, champignons et algues. Il existe des animaux microscopiques ou de taille plus grande, des nématodes en particulier, qui jouent un rôle extrêmement important, des insectes, des larves, etc., des vers de terre, des termites. Enfin, vous voyez que le sol est un milieu qui est extrêmement vivant, puisqu'il renferme un nombre prodigieux d'organismes de toutes sortes. Yvon Domergue, inspecteur général de recherche à l'Office de la recherche scientifique et technique Outre-mer. Donc ça fait quand même, aujourd'hui, Marc-André Sellos, un petit bout de temps qu'on est au courant de cette diversité du sol. Là, on est donc en 1969, fin des années 60, 70, on est en plein dans le grand remembrement, c'est-à-dire le moment où on va s'employer collectivement à faire beaucoup de mal à ces sols. Oui, alors ça c'est vrai que c'est le moment effectivement, enfin c'est un des moments où on développe l'agriculture moderne qui a effectivement de par le labour par exemple, mais aussi les pesticides, hein, il faut penser que 64% des sols du monde contiennent des pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, effectivement on va lui infliger j'allais dire des blessures, mais en fait, je devrais dire des choses auxquelles il n'est nécessairement pas adapté, puisqu'il n'a jamais évolué avec ça. Ça n'a jamais été des données, des contraintes évolutives auxquelles se sont adaptés les organismes du sol. Alors oui, 69, ben moi, à ce moment-là, je suis, en termes de microbiologie, je suis en plein dans les travaux pratiques, parce que j'ai moins d'un an, je suis en train de préparer mon microbiote. Et il faut quand même se rappeler d'une chose, hein, c'est que avant même d'aller chercher dans le sol le monde microbien, il est en nous. Nous sommes une poche à microbes. Nous avons un petit kilo de microbes dans les intestins. On découvre aujourd'hui que c'est absolument vital. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est une chose qu'on peine à accumuler, à construire. C'est qu'à 3 ans qu'on a un microbiote adulte. Ça prend pratiquement plus de temps que de commencer à parler. Hein. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le sol de ce point de vue-là. Aussi en nous, dans notre microbiote, on prend conscience que cette présence invisible, eh bien, non seulement elle est multiple, mais en plus, elle est multiple par ses fonctions. Parce qu'on parle souvent de biodiversité, mais il y a deux types de biodiversité. Il y a la biodiversité taxonomique, c'est le nombre d'espèces. D'ailleurs, vous citiez des chiffres, mais on sait très bien qu'on ne connaît que moins de 1% des microbes du sol. Donc les chiffres, ils sont sur ceux qu'on connaît. On sait qu'il y en a 100 fois plus. Et puis il y a la diversité fonctionnelle. Et les microbes, comme on est peuplé de microbes, et comme l'environnement est peuplé de microbes, ils ont fini par prendre plein de fonctions. Et aujourd'hui, on réalise effectivement qu'on ne peut pas s'en passer, alors même que, aussi bien dans nos conduites alimentaires, on ne mange pas assez de fibres, on mange des émulsifiants ou des édulcorants qui sont très nocifs pour notre microbiote, ou dans nos usages agricoles, le labour, bon, bah, ça remonte de la fertilité du fond du sol, ça désherbe, mais vraiment, enfin, pensez à un mycélium qu'on laboure, il est mort. Et de fait, il y a des champignons qui disparaissent des sols labourés, car ils ne peuvent pas cicatriser. Donc, on a aujourd'hui des gestes qui ne sont pas en accord avec la pâte microbienne qui nous entoure et qui nous construit ou qui nous nourrit. Alors ensuite, le labour, historiquement, est beaucoup plus ancien. On laboure depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne met des intrants ou des pesticides dans les sols, évidemment. La question que je voulais vous poser, et puis on va rentrer, on va aller voir et on va comprendre une des choses aussi, comme vous le rappeliez, Marc-André Sellos, moi j'aime toujours rappeler que nous avons plus de micro-organismes extérieurs, de bactéries, de virus dans notre corps que de cellules. Oui, c'est un peu plus. Un petit peu plus. L'autre chose qui est intéressante à rappeler, c'est que sans mycélium, sans champignons, sans mycorhizes, il n'y a pas de végétation, ou très peu. Oui, alors ça, c'est ce qu'étudient effectivement mes équipes de recherche, aussi bien à Paris qu'à l'Université de Gdańsk en Pologne. On travaille sur ces champignons du sol qui ne se nourrissent plus dans le sol, en tout cas pas en carbone, pas en sucre, et qui vont chercher ça sur les racines des plantes en faisant des épousailles étroites. Hein, ils pénètrent entre les cellules racinaires, ils font ce qu'on appelle une mycorhize, ce qui en grec dit bien ce que c'est à la fois de la racine et du champignon, où ils prélèvent des sucres et ils délivrent des sels minéraux et de l'eau qu'ils ont prélevés dans le sol. Et en plus, comme cette racine est un organe nutritif, eh bien ils ont accumulé tout un tas de traits par lesquels ils la protègent, aussi bien des stress que des pathogènes. Et ces mycorhizes, eh bien 9 dixièmes des plantes ne se développent pas sans mycorhizes. Alors là, j'insiste là-dessus, si on stérilise complètement un sol, on pourrait penser qu'on a tué les pathogènes, et c'est vrai, mais beaucoup de plantes, pratiquement 9 dixièmes des plantes, ne poussent plus. Parce que, en fait, ça fait très longtemps que les plantes n'exploitent plus le sol, sauf quand elles sont toutes petites à la germination, un peu en survie hein, avant de trouver le champignon. Sœur ou frère, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, la plupart des plantes en fait, s'appuient sur des champignons pour vivre. Et ces champignons-là, d'ailleurs, s'appuient sur les plantes pour vivre. C'est aussi vieux que les plantes terrestres, parce qu'en réalité, si les algues sont sorties de l'eau, c'est qu'elles ont trouvé un champignon pour exploiter le sol. Et cette histoire-là, c'est encore une des histoires que finalement, on n'exploite pas du tout en agriculture, où on met des engrais. Alors là, la plante congédie le champignon, puisqu'elle a tout ce qu'il faut pour manger. Où on met des pesticides, je pense au glyphosate, par exemple, qui sont toxiques pour ces champignons, parce qu'en fait, on a construit des béquilles qui permettent à la plante de grandir, mais qui sont vraiment des béquilles par rapport au fonctionnement historique, dont on refuse un peu d'hériter si on maintient ces gestes-là, ces béquilles artificielles. Le fonctionnement historique, c'est que la plante, eh ben, elle est appuyée sur des microbes, notamment pour exploiter le sol. On va en entendre un exemple extrêmement concret dans quelques instants à propos des orchidées. Ce sera le reportage du jour et ce sera dans quelques secondes musicales. Observer les plantes, c'est très instructif. Elles survivent les plantes en milieu agressif. Elles cherchent la lumière en se transformant, s'allègent en s'amputant, puis se régénèrent. J'observe les plantes. C'est très instructif. Je suis comme une plante en milieu agressif. Je cherche la lumière en me transformant, m'allège en m'amputant, puis me régénère. Observer les plantes, c'est très instructif. Souviens-toi, tu me l'as dit, j'y repense souvent depuis. Assis dans le jardin, je regarde le jasmin. Oui, je le vois bien, me voilà jasmin. On n'est jamais déçu avec Philippe Catherine à 16h35. Les plantes, puisque nous parlons des plantes, nous parlons des sols, nous parlons des fungus, des champignons, des mycorhizes, en compagnie de Marc-André Sellos, qui est notre grand invité tout au long de cette heure. Marc-André Sellos, mycologue, botaniste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il dirige l'équipe Interaction et Évolution Végétale et Fongique au sein de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Puisque nous parlions précisément des mycorhizes, c'est-à-dire de cette symbiose historique depuis la sortie des algues de l'océan primordial pour peupler la Terre, un exemple très concret est celui des orchidées. Bonjour Alexandra Delbeau. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu dans le laboratoire justement de Marc-André Sellos au Muséum National d'Histoire Naturelle à la rencontre de l'un de ses doctorants qui travaille précisément sur les mycorhizes des orchidées. Oui, j'ai rencontré Rémi Petrolli en troisième année de thèse. Il s'intéresse aux orchidées tropicales, notamment le Bulbophyllum variegatum présent à La Réunion. Et une des particularités des orchidées, c'est qu'elles forment des graines microscopiques, bien trop petites pour contenir assez d'énergie pour germer seules. Elles ont donc besoin de s'associer avec des champignons. Et l'objectif de ces travaux est d'identifier et de caractériser le ou les champignons permettant à cette orchidée de germer. Les orchidées, finalement, comme la très grande majorité des plantes à fleurs, elles forment des associations mycorhiziennes avec des champignons. Et en fait, les orchidées ont une particularité, c'est qu'elles forment des graines qui sont microscopiques, et ces graines, elles sont donc dépourvues de réserves, et pour germer, elles ont besoin de la présence d'un champignon. Donc ça, c'est un cas un peu particulier dans le règne végétal. Et en plus de ça, elles ont tendance à s'associer à des champignons qui sont pas les mêmes que pour les autres plantes. Et en fait, c'est des champignons dont l'écologie est assez mal connue. Et du coup, moi, je m'intéresse particulièrement à ces interactions-là, donc entre les orchidées et les champignons. On essaye de caractériser quels champignons vont interagir avec quelle espèce d'orchidée, avec un focus sur les orchidées qui vivent en région tropicale, et en particulier celles qui ne poussent pas dans le sol, mais qui poussent sur les écorces des arbres et qu'on va appeler des orchidées épiphytes. Quelles sont les différentes approches que vous avez utilisées justement pour les étudier ? Du coup, on va utiliser deux grandes approches. En tout cas, moi, j'utilise deux grandes approches dans ma thèse. La première, c'est qu'on va essayer de caractériser les champignons associés aux orchidées grâce à leur ADN dans l'environnement. En fait, le problème de ces champignons, c'est qu'ils sont invisibles la plupart du temps. Ils ne forment pas de fructification comme la plupart des champignons qu'on connaît dans nos forêts. Du coup, pour les identifier, on est obligé de passer par leur ADN et de séquencer cet ADN en faisant ce qu'on appelle des PCR, donc maintenant tout le monde connaît. Ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche, c'est qu'on va essayer de récupérer ces champignons de l'environnement et de les maintenir en conditions contrôlées. Donc pour ça, on va prélever des morceaux de racines des orchidées qu'on étudie, donc plutôt des orchidées épiphytes. On va les placer sur des boîtes de pétri et on va essayer d'isoler les champignons qui sortent de ces racines en espérant isoler les champignons qui nous intéressent, c'est-à-dire les champignons mycorhiziens. Et ensuite, on va essayer de voir si ces champignons qu'on a isolés correspondent aux champignons qu'on a identifiés grâce à la première approche, donc par PCR et séquençage. Et on va essayer de voir si ces champignons permettent bien la germination des graines en conditions contrôlées, en conditions in vitro. Ce qu'on voit ici, justement, c'est les graines qui sont microscopiques. Ouais, exactement. Alors en fait, les graines sur cette boîte-là, donc c'est des fruits un petit peu vieux, mais les graines, ça va être tous les tout petits points blancs qu'on voit à peine. Là, on les voit parce qu'on est sur un fond noir, mais s'il n'y avait pas de fond noir, en fait, on les verrait à peine. Dans l'idée, en fait, c'est la même taille que les tout petits points noirs qu'on voit quand on achète de la glace à la vanille. Finalement, les orchidées, ça a exactement cette taille-là. Les graines d'orchidées, ça a exactement cette taille-là. Et pour voir si le champignon qu'on a isolé et celui qu'on a identifié par l'approche de séquençage est le bon, c'est-à-dire est-ce que c'est le champignon qui est bien mycorhizien de cette espèce. En fait, on va prendre les graines et on va les déposer, après les avoir stérilisées, on va les déposer sur des boîtes de pétri qui contiennent le champignon. Donc pour ça, on a isolé au préalable le champignon qu'on a fait pousser sur des petites boîtes. C'est ce qu'on voit ici, il y a plusieurs formes en fait, de champignons, on voit qu'ils sont tous différents. Ouais, c'est ça. En fait, quand on essaie d'isoler des champignons, on ne contrôle pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est incapable de savoir initialement quel champignon va sortir de la racine. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune idée de quel champignon était présent initialement dans la racine. Le problème, c'est que ces champignons sont microscopiques, donc on ne les voit pas à l'œil nu. Du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est déposer un petit morceau de racine sur une boîte de pétri et attendre de voir ce qui pousse en fait. Et il pousse en fait en réalité plein de choses. Ici on voit qu'il y a des champignons qui peuvent faire des structures un petit peu marron, d'autres qui ont tendance à faire des sortes de filaments blancs, un peu blanchâtres, cotonneux. Souvent c'est pas ceux qui nous intéressent. Ceux qui nous intéressent, ça va être vraiment ceux qui ont une croissance un petit peu lente, un petit peu ramifiée, blanche, presque transparente. En fait, pour bien les voir, il faut encore les mettre sur un fond noir. Et on voit qu'ils peuvent avoir des structures un petit peu ramifiées, ça fait des jolis arbres, c'est assez joli. Donc on peut avoir un a priori sur la morphologie du champignon. Le problème, c'est qu'en fait, c'est très difficile de les identifier juste par leur aspect, notamment parce que l'aspect peut varier suivant le milieu de culture qui est utilisé. Du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va prélever un petit morceau de la gélose qu'on va ensuite séquencer, et grâce à la séquence ADN du champignon, on va être capable de l'identifier, donc de lui donner un nom. Et une fois qu'on a sélectionné les champignons qui sont connus pour être des champignons mycorhiziens des orchidées, l'étape ultime, ça va être de vérifier que ce sont bien les champignons mycorhiziens de cette orchidée-là, donc de l'orchidée qu'on étudie. Et donc pour ça, on va déposer un petit cube de gélose sur une boîte un petit peu plus grande, on va laisser le champignon recouvrir la boîte, et une fois que le champignon aura recouvert la boîte, on va y déposer les graines d'orchidée qu'on aura stérilisées au préalable. Donc maintenant, on en est à une étape où on a simplement mis les boîtes en conditions contrôlées, donc avec un cycle jour-nuit, une température qui est maintenue, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue des comptages réguliers. Donc pour ça, je suis notamment aidé d'une étudiante en Master 2, qui s'appelle Rosa Kimmerling, qui effectue à intervalles réguliers des comptages, et l'idée, c'est d'essayer de voir dans quelle boîte les graines commencent à gonfler, dans quelle boîte les graines commencent à devenir un petit peu vertes. Donc là, on en est vraiment au stade préliminaire. En fait, on a lancé l'expérience il y a seulement quelques mois, et c'est des graines qui poussent très peu vite, donc finalement pour l'instant pas grand chose à montrer, mais on espère que dans quelques mois on va pouvoir avoir des petites plantes avec éventuellement des petites feuilles, et qu'on va arriver au stade qui vous sont présentés ici. Et une des perspectives, on peut dire application de vos travaux, c'est la sauvegarde, voire la réintroduction d'espèces qui sont assez rares. Alors il y a vraiment un aspect fondamental qui est d'essayer de décrire la diversité des associations mycorhiziennes entre les orchidées et leurs champignons. Donc, ça c'est un aspect un peu fondamental, mais il y a quand même un aspect appliqué derrière, en tout cas on peut y trouver une application. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans des milieux qui sont des milieux naturels et qui sont très généralement des milieux qui sont menacés. En l'occurrence c'est des forêts extrêmement bien préservés à La Réunion, mais qui sont quand même soumis à un impact anthropique extrêmement fort. Donc c'est des forêts qui pourraient éventuellement être vouées à disparaître. Et donc l'avantage d'avoir le champignon qui est conservé sur des petites boîtes de pétri et qui est maintenu en milieu de culture, ça peut permettre éventuellement de prévoir des programmes de restauration d'espèces menacées, en ne restaurant pas dans le milieu uniquement les graines seules, mais les graines en présence du champignon, parce que les graines ont besoin du champignon pour germer. Du coup, ça va grandement améliorer nos chances que ces plantes se maintiennent dans leur environnement, et donc ça va permettre d'assurer un programme de restauration réussi. Marc Androcellos, évidemment, c'est votre doctorant. Je vais vous laisser commenter ses travaux. Ils sont géniaux. Et puis alors, en plus, comme je cours toujours un peu partout dans le monde, il faut être assez autonome. Mais voilà un exemple de quelqu'un qui, en fait, c'est un jeune chercheur. C'est pas un thésard, c'est un jeune chercheur. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est deux choses. La première, c'est, je parlais tout à l'heure tout au début de coopération entre les gens. Là, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe où les gens sont extrêmement coopératifs entre eux. Ils viennent les uns aux autres avec des questions, des complémentarités, des interactions effectivement remarquables. Et moi, je suis toujours admiratif quand je vois des gens aussi jeunes en recherche, qui sont déjà aussi mûrs dans leur capacité à résoudre des problèmes et aller vers les autres pour interagir et résoudre d'autres problèmes encore en coopération. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, Rémi disait très justement, l'ADN, c'est notre outil. Mmh. Et ça, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a une leçon épistémologique à tirer de tout ça. Moi, quand j'ai grandi comme jeune naturaliste, les gens qui faisaient de l'ADN, c'était des pourris qui piquaient le fric. Bah oui. Hein, les naturalistes, à ce moment-là, ont inventé la notion de biodiversité pour ramener la lumière vers eux. Et il est vrai que quand les gens qui faisaient de la biologie moléculaire essayaient de regarder des parentés entre organismes et tout, et se mêlaient un petit peu d'aspects plus naturalistes, ils le faisaient mal parce que ils croyaient séquencer du baobab, mais en fait, ils avaient prélevé du géranium. Donc c'était un petit peu ridicule vu du point de vue des naturalistes. Et puis c'est vrai que les crédits allaient plutôt vers les gens qui faisaient de la biologie moléculaire, donc de la biologie de l'ADN. Mmh. Et donc c'était conflictuel. Mais qu'est-ce qui reste de ça au bout de... Allez, j'allais dire 20 ans, mais c'est peut-être plutôt 30 du coup. Oui. Qu'est-ce qui reste de ça? Bah que moi, j'ai été naturaliste moléculaire. On disait tout à l'heure qu'on ne connaît que 1% des microbes du sol. Mais comment on sait qu'il y en a 99% d'autres? Bah on les connaît par leur ADN. On ne sait pas les cultiver, on ne les a pas nécessairement vus, mais on les connaît par leur ADN. Et Rémi, il travaille énormément avec des méthodes dites de séquençage massif qui permettent d'obtenir des millions de fragments d'ADN à partir d'un échantillon et de caractériser les centaines, si ce n'est les milliers d'espèces de bactéries ou de champignons qui s'y trouvent. Et donc nous sommes, j'ai été moi dans ma recherche et Rémi est aussi... Dans cette espèce de scientifique-là, nous sommes des naturalistes moléculaires. Et ça veut dire que les grandes controverses scientifiques, la seule chose dont on peut être certain, c'est que les tenants de l'un et de l'autre bout vont s'éteindre. C'est la synthèse qui compte. Et en fait aussi la coopération, finalement, entre les champs scientifiques. Et pas seulement entre les champignons et les végétaux et les racines. Une question, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de la conservation des sols, puisque c'est un enjeu majeur de la lutte bien contre le réchauffement climatique, la lutte contre le changement climatique, de la perte de biodiversité, de bien la façon dont nous esquintons collectivement notre environnement. Finalement, si on remonte à la source de notre planète est une planète rocheuse. C'est un magma qui s'est refroidi, c'est de la roche. La roche, c'est pas très propice à la vie. Comment est-ce qu'on est passé d'une planète rocheuse à Planète terreuse. À une planète terreuse, exactement. Alors, ça s'est fait justement quand les plantes ont été, enfin les algues ont été en mesure d'exploiter la roche, et ça, elles l'ont pas fait tout seul, elles l'ont fait avec des champignons, et à ce moment-là, eh bien, ça a attaqué la roche beaucoup plus, ça permet de nourrir les plantes, donc ça fait des débris de roche, les plantes se sont développées plus, donc ça fait des débris de plantes, et tout ça, ça a été retenu par les parties souterraines des plantes, les filaments des champignons, et ces débris de plantes mortes, et ces débris de roche retenus, ça s'appelle des sols. Ça émerge donc avec les plantes il y a 450 millions d'années, et ça change plein de choses. Hein. Ça change notamment le cycle de l'eau. L'eau ne ruisselle plus brutalement en entraînant tout ce qui a, et en arrachant tout ce qui a commencé d'être altéré par des petites croûtes d'algues qui végètent sur la roche. Et tout est entraîné brutalement vers des plaines où il y a un épandage de galets, de sable. Et puis ensuite, ça sèche. Non, là maintenant, quand il pleut, bah, l'eau, elle... met du temps à trouver la sortie dans le sol, elle est même retenue par capillarité dans certains pores, et elle va être retenue d'une façon qui permette déjà aux plantes de se nourrir. Il faut savoir que, par exemple, un hectare de forêt, ça consomme tous les jours 30 tonnes d'eau. 30 tonnes d'eau, ça fait 3 mm d'eau de pluie par jour, et comme il y a 200 jours de végétation, vous voyez, ça fait du 600 mm, bah c'est à peu près 600 mm. Au-dessus, il y a de la forêt, en dessous, il n'y a pas trop de forêt. Donc déjà, ça permet que l'eau... ne s'échappe pas tout de suite, et ça lui permet de faire demi-tour vers l'atmosphère, première chose, par l'évaporation dans les plantes, mais il y a quand même de l'eau qui trouve la sortie et qui va aller soutenir le cours des rivières. Bah oui, il y a des rivières en permanence, il n'y avait pas ça avant les sols, dans lesquelles s'égouttent lentement les sols, d'ailleurs ils s'égouttent et l'eau qui passe, elle emmène aussi des sels minéraux, et c'est ça qui fait la fertilité des rivières et ensuite de nos côtes, de nos eaux côtières, quand les fleuves arrivent à la mer. Donc cette eau, elle va soutenir les étiages entre deux pluies, et elle va aussi pas se précipiter dans la rivière, donc il y a un écrêtage des crues. D'ailleurs, dans le sud de la France, aujourd'hui, on bétonne un petit peu trop et on perd cette fonction du sol qui est de réfréner l'envie de l'eau de pluie de retourner à la mer et de ralentir le cheminement. Donc vous voyez que ça a reconstruit le cycle de l'eau. Au fait, comme maintenant il y a une usine à extraire de la fertilité de la roche sur Terre qui finit par les fleuves dans l'eau de mer, ben, sur la façade océanique, il y a une fertilité qui fait que l'océan est vraiment productif, mais juste sur le littoral, hein, si vous allez au milieu de l'océan, voilà. Le problème du Brexit, hein, c'est que les pêcheurs bretons, ils préfèrent aller pêcher vers les côtes de Grande-Bretagne, où il y a des sels minéraux qui arrivent avec les fleuves, plutôt que de faire le même chemin pour aller pêcher au milieu de l'Atlantique, où il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de poissons. Et quelque part, ça veut dire aussi, au passage, qu'il ne faut pas penser que les sols nous nourrissent, et ça, nous nourrir, c'est encore une grande fonction, uniquement parce qu'on récolte sur les sols ou les animaux qui pâturent, mais ils nous nourrissent aussi parce qu'ils fertilisent la mer, et donc même les fruits de mer reviennent des sols. Ces sols, on les maltraite beaucoup, on les maltraite particulièrement, c'est une vraie problématique. On parlait hier à ce micro de la sécheresse, des sécheresses éclairs, de la sécheresse précoce. On commence à en avoir conscience, mais on a l'impression que cette conscience, elle est encore très fugace. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, vous allez me dire arrêter les pesticides, arrêter les intrants, certes, mais on voit bien que ça marche pas très bien, malgré des plans gouvernementaux qu'on continue à multiplier. On n'a jamais utilisé autant d'intrants, bref. Comment on fait? Il y a deux choses. Déjà, il faut que les gens ils aient envie de consommer des produits sur lesquels il y a écrit « issu d'un sol durable ». Alors, bon courage pour aller dans l'épicerie à côté, on peut y aller après l'émission, pour trouver un produit où c'est écrit. Hein. Mais il n'y a que la demande des consommateurs, c'est comme pour le bio, qui peut porter une agriculture qui existe déjà, une agriculture qui laboure plus, qui met des engrais organiques dans le sol, qui limite les traitements insecticides, qui recourt donc à des luttes biologiques ou à des méthodes alternatives, par exemple des peuplements mélangés, de l'agroforesterie, qui limite la propagation des maladies. Et donc il n'y a plus de pesticides à ce moment-là. Donc on a une agriculture solution qui existe, mais aujourd'hui il faut que nos concitoyens sachent qu'elle existe et aient envie de la consommer. Bah pour ça il faut écrire des livres, je l'ai fait avec l'Origine du Monde, on a même fait une BD avec Mathieu Burnia chez Dargo qui s'appelle Sous Terre, pour expliquer ça aux plus jeunes. Et le muséum présente jusque fin juillet une exposition, l'Odyssée sensorielle, où j'ai eu le plaisir de piloter une des salles où on immerge les gens dans le sol, pour qu'ils comprennent comment ça marche et quelle cathédrale de vie ça représente. Donc, première chose, former les citoyens. Deuxième chose, voir l'écologie des sols, non pas comme une écologie Cassandre qui explique pourquoi ça marche pas, mais une boîte à outils dans laquelle puiser des choses pour l'avenir. Je vais vous donner un exemple, le 4 pour 1000. C'est cette initiative française que la France est en train de propulser vers l'Europe, mais à mon sens, on pourrait faire mieux. Et plus, voilà, c'est l'idée que si tous les ans, on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, la teneur en matière organique des sols, on va mettre de la matière organique qui va se décomposer lentement et fertiliser les sols. Mais il y a un certain temps d'attente. Et pendant ce temps-là, ça fait du carbone immobilisé. C'est exactement comme de faire grandir une forêt. Ça immobilise du carbone. Et donc, si tous les ans, on augmente de 4 pour 1000 la teneur en matière organique de tous les sols, on annule, tenez-vous bien, on annule l'émission de CO2 dans l'atmosphère de l'humanité de cette année-là. Alors, c'est pas une raison pour continuer, mais ça peut nous permettre de résorber ce qui est déjà émis. Mais comment on augmente de 4 pour 1000 la teneur en matière organique du sol? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On met le fumier et les déchets animaux dans les sols. Ça montre au passage que l'élevage n'est pas à opposer nécessairement, s'il est extensif, à l'agriculture, puisque... Extensif, pas intensif, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Il faut pas... intensif, ça n'a pas de sens. Mais extensif, c'est tout à fait vertueux. Et ça fait du fumier qu'on peut mettre dans les sols agricoles. Ça fait en fait une source d'azote et de phosphate. Mais avant d'être décomposé, ça fait surtout une immobilisation de matière organique qui lutte contre l'effet de serre et aussi retient l'eau. Eh oui, les sols agricoles, souvent ils sont labourés, donc ils sont bien oxygénés, les bactéries respirent, il n'y a plus de matière organique. En plus, on met plus d'engrais organique, donc il n'y a plus de matière organique, donc ils ne retiennent pas l'eau. Dans un pays dont les étés sont de plus en plus secs, c'est dramatique, parce que la matière organique contribue à retenir l'eau. Et puis surtout, elle stocke du carbone. Voilà. Donc, cette matière organique peut venir de l'élevage, mais il y a une autre source de matière organique. Les déchets? C'est le produit de nos toilettes et puis les déchets de nos cuisines, que qu'on met indistinctement avec le reste, alors qu'on pourrait très bien récupérer les eaux usées des villes, au moins les eaux résiduaires des appartements, d'une part, et puis d'autre part, récupérer la matière organique de nos cuisines, ou de nos cuisines industrielles et de nos restaurants, et remettre ça dans les champs, comme on faisait autrefois. Il y a dans les poubelles françaises la moitié... C'est-à-dire du compost, en fait. Hein. Oui, ou même, mais pas trop composté, parce que quand on composte, il y a du CO2 qui sort lors du compostage. Là, on veut la remettre fraîche pour mettre le maximum de carbone dans le sol, et le maximum de pouvoir de rétention d'eau. Le compostage se fera dans le sol, naturellement. Et ça, c'est vraiment... le 4 pour 1000, c'est l'exemple de l'écologie solution. Mais ça, il faut l'expliquer aux gens, il faut même l'expliquer aux politiques qui n'insistent pas tellement là-dessus. On a en tête que la plantation d'arbres pour la compensation carbone. Or non, ce n'est pas le cas. Et la compensation carbone en mettant de la matière organique dans les sols, l'initiative 4 pour 1000, c'est aussi résoudre les réserves en eau du sol, c'est aussi remettre des engrais dans le sol sous forme organique. Vous savez que nos poubelles françaises contiennent plus que la moitié des besoins en azote de l'agriculture chaque année. Ça veut dire qu'en fait, il y a une écologie solution, mais, je reviens à mon premier point, il faut l'expliquer aux gens, aux décideurs et aux citoyens, pour qu'ils aient envie de la mettre en pratique. Alors si par exemple, pour nos auditrices et nos auditeurs, j'ai un petit bout de potager, un petit bout de jardin que je vis dans une maison, que j'ai la chance d'avoir un peu de verre, ça veut dire que tout ce qui sort dans la poubelle organique, au lieu de la mettre au compostage, je m'en sers pour la mettre dans le potager ? Bah, vous pouvez directement le mettre sur le sol. Si vous avez beaucoup de vers de terre, ça va très vite être recouvert par leur déjection et passer dans le sol. Voilà, vous pouvez éventuellement composter légèrement si vous avez peur que ces choses-là amènent des pathogènes au sol, mais composter simplement légèrement. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, on finit soi-même par produire beaucoup trop de matière organique dans sa poubelle pour son jardin, à moins d'avoir une très grande propriété. Et c'est là qu'on voudrait que nos taxes d'enlèvement des ordures ménagères servent en partie à desservir, comme ce fut le cas autrefois. Il faut lire le livre remarquable de Sabine Barle, L'origine des déchets urbains, qui nous explique à quel point la ville a toujours fertilisé la campagne. Et qu'il y avait des entreprises qui faisaient de l'argent en faisant payer les déchets urbains aux agriculteurs qui les voulaient dans leurs champs, simplement en les apportant. J'ai un exemple très très concret, c'est mon grand-père qui allait avec mon papa, qui allait chercher les eaux usées des restaurants parisiens pour servir à la porcherie et à leur exploitation agricole. Et je vous recommande une page absolument incroyable des Misérables de Victor Hugo, où Victor Hugo dit que si notre or est fumier, il n'aime pas trop les puissances de l'argent, notre fumier est or. Et cette belle page des Misérables, en fait, c'est Victor Hugo qui s'indigne que les eaux usées partent maintenant à la Seine, avec le tout à l'égout, au lieu de partir dans les champs, où il serait effectivement de l'or pour la croissance des plantes. C'est assez amusant de trouver ça au détour des Misérables, et ça illustre à quel point d'ailleurs le monde littéraire et artistique était pénétré dans la suite de la pensée de Humboldt, hein, qu'ils avaient lu bien plus en fait que les biologistes, étaient pénétrés d'idées qui ont été en fait les premiers pas vers l'écologie. Et là, dans Victor Hugo, il y a un éloge du recyclage des déchets. Question pour conclure, Marc-André Sellos. On lit aussi que finalement, malgré tout ce qu'on leur inflige, les sols sont plus résilients qu'ils n'y paraissent. C'est-à-dire que c'est assez facile de bien redonner vie à un sol qui a été très maltraité, très labouré, qui a subi plein d'assauts, de pesticides, etc., qui a été trop cultivé. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bah, y a des limites. Des sols pollués par des métaux lourds, non. Mais ça va être très difficile. Non, mais les sols agricoles, pour parler. Les sols agricoles, oui. Notre agriculture, c'est pas des fous qui ont mis au point de l'agriculture conventionnelle. Et effectivement, on sait aujourd'hui, notamment par le très bel inventaire des bactéries du sol de France de l'INRA de Dijon, qu'on n'a pas vraiment de disparition d'espèces. Juste, les populations sont en train de cracher, littéralement. Et nous sommes, comme dit très bien Bruno David, c'est le titre de son livre, à l'aube de la sixième extinction. Mais si on redresse la barre maintenant, le verre, il est à moitié vide, c'est vrai, mais il est à moitié plein aussi. Il y a une belle au bois dormant qui demande qu'on la réveille, c'est ces microbes qui attendent. Les espèces ne sont pas éteintes, mais il faut les réveiller. Et ça, c'est vrai des sols à notre microbiote, au microbiote des plantes, puisqu'on parlait des champignons mycorhiziens. Ils sont là, prenons-les en main, ce sont des outils. Et sortons de cette ignorance du monde vivant et des sciences du vivant qui nous conduit à ne pas voir que la solution est à portée de main. Le collapsionnismes, il met en évidence quelque chose d'inquiétant. Mais il y a de l'espoir. L'espoir, c'est la connaissance, si elle est partagée par tous et si elle est citoyenne. Comment ne pas conclure par ces beaux mots ? Merci beaucoup Marc-André Sellos d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. On peut vous lire, je vais citer les deux derniers ouvrages, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. C'est aux éditions Actes Sud. Également, Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé. Également chez Actes Sud. Et puis on va vous mettre le reste de la bibliographie sur notre fil Twitter @laméthodefc. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Mel Boucherka, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulf, Natacha Triou, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi à la technique, et comme toujours en podcast sur l'application et en réécoute sur le tout nouveau site franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.